On a l'habitude, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Donc, c'est pas quelque chose de dramatique. Il faut pas avoir l'idée reçue que le renouveau, c'est quelque chose dont on a recours quand il y a un problème dans la relation et qu'il y a justement, on n'arrive pas à bien se parler, il y a un conflit ou quoi. C'est plutôt de la médecine préventive avant tout. Donc, on s'assoit régulièrement en cercle avec toutes les sœurs, par exemple, et on exprime chacune notre tour, notre appréciation, notre gratitude les unes pour les autres, pour l'aide qui a été apportée, pour les qualités d'être, pour comment on s'enseigne à vivre dans la joie et le bonheur. Et pour la solidarité et pour toutes les choses qui sont vraiment précieuses pour nous. Donc on est très on s'habitue en fait à vraiment dire les unes aux autres. Et ce qui est beau, c'est quand on le fait tous en cercle, c'est que on s'entend en fait tous toutes les uns les autres. Donc si par exemple dans le cercle il y a quelqu'un qui a peut-être un peu plus de mal avec l'une des sœurs qui est présente, le fait que c'est une tierce personne qui vient et qui dit « ben moi, je voudrais te remercier, sœur, on va dire sœur éloquente, elle n'est pas là cet après-midi, mais j'aimerais te remercier parce que j'apprécie vraiment ta sérénité, j'apprécie que tu m'aies aidée pour faire ceci, pour faire cela. Et ça a compté pour moi, les moments qu'on a passés ensemble et tout ça. » Et donc la personne qui peut-être est assise là et qui a plus... qui a moins de facilité... Elle est aussi en contact avec ces qualités-là de l'autre. Et du coup, ça permet aussi de réouvrir un peu son cœur. Et on a l'habitude aussi, dans la communauté, de se concentrer simplement sur les deux premières pratiques, donc l'expression de gratitude, l'arrosage des fleurs, et l'expression de ce que je regrette avoir dit ou fait. Et ça suffit en fait. Ça suffit largement. Des fois, même rien que la première pratique d'exprimer notre gratitude, c'est aussi largement suffisant, largement assez nourrissant. Et ça permet de détendre des choses et on n'a pas besoin d'absolument tout dire le reste. Des fois, simplement de repartir justement sur cette base de j'apprécie que tu existes, j'apprécie que tu sois là avec moi dans la communauté. C'est bon, il n'y a pas besoin de mettre des mots sur absolument un petit souci qui s'est posé. Donc oui, ça peut être important de le faire, mais ce n'est pas indispensable. Et il faut aussi savoir que la pratique du renouveau, elle ne passe pas que par la parole, par le fait de venir se dire l'un à l'autre ces choses-là, mais le fait de le ressentir, le fait de faire un geste, d'avoir un regard, d'avoir simplement un regard qui montre que j'apprécie ou qui montre que ah, bah, je suis désolée d'avoir été dans cette attitude. Donc ça, c'est bien d'en avoir conscience. Et l'autre chose, c'est que le renouveau, on le fait avec soi-même. C'est parce qu'on peut le faire avec soi-même, on peut renouveler notre relation à soi, qu'il y a la possibilité aussi de renouveler, de prendre soin de la relation avec une autre personne. Donc, de temps en temps, je m'assois et je m'écris une lettre d'amour. C'est un exercice... c'est un peu spécial parce que, justement, on parle de l'ego, mais c'est l'exercice de renouveler la relation à soi, c'est un exercice qui met l'ego de côté. C'est pour dire que quoi qu'il arrive dans la vie, quelles que soient les erreurs que je puisse commettre, quelle que soit l'image que j'ai, que je donne, j'ai de l'amour, je suis tendre avec moi-même et j'ai le désir d'évoluer, d'élever ma conscience, etc. Donc je prends vraiment soin de moi en tant qu'être comme si c'était... comme si j'étais mon propre parent, mon propre enfant, mon propre maître, ou etc. Est-ce que vous êtes tendre avec vous-même? Pas toujours, non? Moi, des fois, je suis vraiment très dure et je me déteste tellement que j'ai envie de creuser des trous et de me mettre dedans. Donc ça, c'est une habitude qui est là, que j'ai héritée quelque part. Et donc, dans cette vie, ben, j'apprends à être aimante. Et voilà, j'ai aussi eu beaucoup de chance dans la communauté de passer des temps avec les jeunes, les adolescents, les enfants. Et donc, de partager la pratique du renouveau dans la famille. Donc, merci Auriella d'avoir témoigné avec ton cœur par rapport à la relation à ta fille, comment tu soignes cette relation avec beaucoup, beaucoup de cœur. Les enfants, ils ont aussi besoin beaucoup de qu'on arrose leurs bonnes graines, qu'on arrose leurs fleurs, qu'on leur dise combien on les aime et combien ils nous apportent. Et comme on est un adulte, on peut penser que c'est évident, que ça coule de source, que j'aime mon enfant. Mais pour l'enfant, ça coule pas autant de source. Il a besoin de rassurant, d'être rassuré. Il a besoin d'entendre que ce qu'il fait est beau, que l'enfant est beau. Et de le dire une fois, eh ben, c'est beau, mais ça suffit pas non plus. De dire à son enfant, bah, mon enfant, je t'aime. L'enfant va le recevoir. Mais c'est aussi l'impermanence, c'est qu'aussi il se passe des choses entre nous et que peut-être que l'enfant il dit, bon, bah, maman m'aime plus. Et maman m'a grondée et maman m'aime plus. Maman ou papa veut pas jouer avec moi, c'est parce qu'il m'aime plus. Et donc, d'avoir la régularité, de dire... Si, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour mon enfant. Je suis vraiment contente de passer du temps avec toi et juste pas de le dire, mais de le faire, bien sûr. C'est très important. Et de prendre des moments dans la famille pour s'asseoir, partager peut-être une tisane, un gâteau. Au lieu de juste partager un dessin animé, on peut partager juste de s'asseoir ensemble et de nommer, en fait, par exemple, au bout d'une semaine ou d'un mois qui se sont écoulés, maman ou papa peut avoir une liste des choses, des fleurs de l'enfant, et lui dire. Et ça, c'est quelque chose à aussi pas prendre pour acquis. Entre les enfants aussi, il y a des pratiques, même dans les salles de classe, il y a de plus en plus d'instituteurs, institutrices qui proposent l'arrosage des fleurs entre les enfants. Donc, une des choses qui peut être faite, par exemple, c'est d'avoir un papier avec une grosse fleur dessinée dessus avec des pétales. Et le centre de la fleur, le cœur de la fleur, ça peut être le prénom de l'enfant. Et puis sur chaque pétale... Chacun des enfants ou plusieurs des enfants qui sont là dans la même classe peuvent écrire merci pour cet enfant-là, pour la gratitude qu'on peut ressentir pour lui ou pour elle. Et ça peut être des choses, des petites expériences qu'on partage, des moments qu'on partage, ou ça peut être une qualité générale qu'a cet enfant. Et si on ne le fait pas dans la salle de classe, on peut le faire dans la famille. Et on peut aussi le faire pour soi-même. Se dessiner cette fleur pour soi-même et se remercier d'être comme ça, d'avoir telle qualité ou d'avoir réalisé quelque chose. Voilà, merci. Ça va comme ça. Donc je remercie Auriella et Sœur Aynim pour leur témoignage parce que ça m'a vraiment nourrie et émue, parce que j'ai revu des situations. Et donc, Sœur Aynim m'a rappelé l'importance de faire un renouveau avec soi-même. Et il y a quelques années, au village, on nous avait donné une feuille avec cette invitation à pratiquer le renouveau avec soi-même. Et à l'époque, c'était mission impossible pour moi. Vraiment. Ouais, je ne voyais que du négatif et j'arrivais pas. Et c'était un exercice vraiment, je devais me forcer pour trouver du positif. Et puis petit à petit, finalement, je me forçais à faire ce truc-là, puis je l'ai laissé de côté parce que je me dis, ça sert à rien de me forcer. Et finalement, ça vient petit à petit. Je m'aperçois que j'arrive pas à le faire de façon formelle et me dire, je m'assieds avec ça. Mais je me rends compte que la pratique m'aide à reconnaître de plus en plus les moments où je pourrais éventuellement arroser une petite graine. Et j'ai surtout appris à pouvoir recevoir l'arrosage des autres. Et j'en parlais tout à l'heure avec Anne, et c'est vrai que c'est nouveau. Enfin, je la remercie de me l'avoir souligné, parce que je me souviens de moi avant, j'étais incapable de recevoir. Et donc là, c'est pour montrer aussi un peu la force de la pratique, parce que ça instille petit à petit, comme les petites gouttes de pluie, et sans effort. Donc ce Raini nous expliquait ce matin que la pratique, c'est pas s'efforcer de, mais c'est s'ouvrir à. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai appris, grâce à l'arrosage que d'autres personnes pouvaient faire de mes propres graines, à dire, oui, peut-être que c'est vrai, et puis à pouvoir accueillir. Donc ça fait, ça guérit en fait, ça guérit. Autre chose dont je peux témoigner, c'est que j'ai eu la chance de vivre au village quelques mois il y a 6 ans, je crois. Et comme c'était l'hiver, on pratiquait le renouveau, je crois que c'était toutes les semaines. Une semaine, c'était monastique ensemble, laïque de l'autre côté, et l'autre semaine, c'était monastique et laïque ensemble. Et un soir, lors d'un cercle où on était monastique et laïque ensemble, il y a une sœur qui a exprimé des regrets quant à quelque chose qu'elle avait fait à mon égard. Et ça m'a... Waouh ! Je ne m'attendais pas à ça. Et en même temps, ça m'a fait un bien fou parce que j'ai été reconnue dans une de mes difficultés dont elle n'avait pas eu conscience et qui lui avait fait porter une attitude ou des gestes ou des mots, je ne me souviens plus exactement, qui m'avait heurtée. Mais bon, j'avais un peu laissé ça comme ça. Et le fait qu'ils disent tout ça devant la communauté, dans le cercle, ça a guéri le problème. Ça m'a permis aussi de voir que c'était pas la fin du monde d'être comme j'étais, et que c'était pas la fin du monde non plus d'avoir entendu ces paroles, et que au contraire, ça pouvait être totalement réparé avec simplement cette pleine conscience et cette reconnaissance. Donc, c'est vraiment un témoignage de la force de cette pratique. Et je peux dire aussi quelque chose quant à ma relation à ma mère. Auriel a évoqué des familles qui ne se parlent plus. Il y a une période, il y a longtemps, il y a 15 ans, où j'ai dû prendre mes distances par rapport à mes parents et j'étais incapable de parler encore avec eux. C'était une énorme souffrance. Et tout ce que je pouvais, c'était communiquer par écrit, mais de façon très épisodique. Mais j'arrivais pas, moi, à sortir de ce truc-là, et eux, encore moins. Je crois que ça les mettait dans le désarroi complet. Et puis, petit à petit, on a pu en sortir. J'avais pas encore la pratique à l'époque. Mais maintenant que je connais la pratique, il y a quelques années, j'ai fait l'exercice de mettre par écrit toutes les qualités de mon père d'un côté, les qualités de ma mère de l'autre. Donc j'ai fait un exercice d'arrosage des fleurs, mais moi d'abord par écrit. Et au départ, je me suis dit que ça allait être difficile d'en trouver 5, et puis j'ai pas eu assez de 2 pages pour chacun. Et ça m'a fait aussi un bien fou de pouvoir juste me concentrer, me connecter au bon de mes parents. Voilà, et je me souviens qu'il y a 2 ans, je voulais trouver un cadeau original pour les fêtes de fin d'année. J'ai plus envie de matériel. Et comme cadeau, je leur ai offert à chacun simplement un merci pour. Et donc, je leur ai donné j'ai fait quelques évocations de moments positifs qu'ils m'ont offerts ou leur façon d'être. Et j'ai vu qu'ils étaient un peu désarçonnés. Mais en même temps, j'ai senti que ça apportait quelque chose de... Voilà, de l'ordre de la libération de quelque chose. Je ne peux pas mettre des mots dessus, mais j'ai fait l'exercice avec ma sœur, avec mon beau-frère de l'époque. mon père, ma mère et mon petit-neveu. Et je les ai vus sourire, un peu timides, un peu... Hein, c'est vraiment de moi qu'on parle là. Mais ça a changé beaucoup de choses. Donc on peut aussi appliquer ça de façon non formelle. C'est un peu ça que je peux dire. Mais de façon formelle, c'est aussi très... Voilà, donc adaptons chacun à qui nous sommes maintenant. Mais en tout cas, faisons l'expérience. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je crois qu'il y a beaucoup de belles choses qui ont été dites. Je voudrais juste insister sur deux points qui sont vraiment importants pour moi. Le premier, c'est le côté préventif. Et le deuxième, c'est le côté informel. Alors, le côté préventif, parce que dans mon histoire, prendre refuge dans le Bouddha, ok. Prendre refuge dans le Dharma, ok. Prendre refuge dans la Sangha, très, très compliqué. Et donc, moi, ma tendance, c'est de m'enfuir, en fait, et de sortir du groupe. Et donc, attendre un moment de crise, pour moi, ça devient compliqué. Donc, au plus il y a du préventif, au moins il y a de crise, et donc au plus c'est facile pour moi. Voilà. Et je fais le lien avec le côté formel et informel. Enfin, moi j'ai une petite difficulté par rapport à la forme. Donc, pour moi, un sourire, un regard peut-être un peu plus intense, le fait de poser la main sur le bras. C'est une façon d'arroser les fleurs, en fait. Et c'est ma façon à moi. C'est parfois plus difficile à le dire avec les mots, mais le faire avec un geste ou avec un regard ou un sourire, pour moi, c'est plus facile. Et puis, je terminerai par une petite anecdote. En fait, Anne, décidément, t'es pas là, mais t'es bien là. Alors, les fleurs vont dire, voilà. Il y a quelques années d'ici, on revenait d'une retraite au village. On était à plusieurs et on covoiturait. Et à un moment donné, Anne a suggéré, donc on était quelque part aux alentours de Paris, vous voyez, Bordeaux, Bruxelles, Paris à peu près. La route commence à devenir longue. Et puis Anne a suggéré, tiens, et l'ambiance de la voiture devenait un peu boum-boum. Hein, et Anne a suggéré, tiens, si on faisait un arrosage de fleurs. Et donc on a, tu te souviens, Anne? Et donc c'était avec Fabien. Et donc, on a passé, je crois qu'on a passé une bonne heure, en fait, à dire un mot, donc chacun, sur chacun qui était dans la voiture. Et l'énergie dans la voiture a complètement changé, en fait. Et donc, voilà, pour moi, le fait de pouvoir le faire comme ça, de façon informelle, comme ça vient, sans une pratique très, très dogmatique, si je puis dire, c'est bien aussi. Est-ce que quelqu'un souhaite partager ? Quelque chose qui l'a inspiré de nos partages, qui a fait écho chez lui et qu'il aurait envie de partager avec le restant de l'Assemblée. Voilà, ça va comme ça. Je voulais juste partager que moi, j'ai découvert le village des Pruniers il y a 2 ans, en pleine cérémonie du renouveau à Pâques. Et j'avais réservé par hasard, pour autant qu'il y ait des hasards, quelques mois avant, et en fait, mon mari m'a quitté 15 jours avant que j'arrive au village des Pruniers. Et je suis arrivée dans cette cérémonie du renouveau. Autant vous dire que je me suis effondrée et qu'en même temps, ça a été salvateur pour moi parce que il n'a pas fallu 15 jours pour que je sorte du ressentiment et d'éventuellement un enfermement dans c'est sa faute ou c'est lui. Ça m'a complètement fait voir la séparation tout à fait différemment. Ce qui ne m'a pas empêché de morfler, d'avoir très mal, évidemment. Mais je me suis dit, bon Dieu, si on avait pu faire ça plus tôt aussi, et si j'avais pu nourrir ça avec mes enfants, avec mon conjoint, peut-être qu'on se serait quand même séparés, mais avec une autre énergie, en tout cas. Voilà. Et ça, c'est rien que d'entendre l'évocation de la cérémonie de renouveau, je me vois en lac, en flaque. C'est par chez moi, alors. Je vais s'arrêter. Moi, ce que j'aimerais partager à propos du renouveau, j'ai une petite expérience de cette pratique. En fait, c'est Rosane, ma femme, qui a été la première au village et qui est revenue avec en disant « Ah, j'ai vu une super pratique au village, et j'avais jamais été au village. J'aimerais bien qu'on essaye cette pratique. Et donc, il y a des périodes dans notre vie, depuis, où on pratique régulièrement, où on se donne des rendez-vous une fois par semaine. Et puis, il y a des moments où... voilà, c'est la rentrée, il y a plein de choses à faire, etc. Et la pratique du renouveau, elle est un peu oubliée. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette notion de prévention, pour moi, elle est présente. Et c'est pas seulement de la prévention. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme une relation, ça devient comme un peu, j'ai envie de prendre une métaphore, comme un jardin. C'est-à-dire si jamais je prends soin de mon jardin régulièrement, sans doute que j'ai la possibilité d'enlever les petites mauvaises herbes, de favoriser que tel ou tel fruit ou légume puisse avoir suffisamment de lumière pour pousser. Et c'est, à ce moment-là, c'est pas une corvée, ça peut être aussi de la joie, en fait. Et nous, évidemment, comme tout couple, on est confronté à certains moments à des tensions, à des problématiques dans le couple qui sont inhérentes, qu'il ne faut même pas essayer d'éviter. Elles font partie de la vie du couple, en fait. Mais le fait qu'on puisse avoir cette pratique du renouveau fait que, d'abord, c'est assez rare qu'il y ait des grosses problématiques chez nous qui soient abordées lors de la pratique du renouveau. Ça peut arriver, mais alors à ce moment-là, si jamais il y a quelque chose de plus gros, en général, il ne sera pas abordé lors de la pratique du renouveau. On va peut-être prendre d'autres moments où on va aborder ça aussi, peut-être d'une autre manière. On va demander du soutien aussi à l'extérieur. Mais pour moi, c'est aussi comme voilà, cette pratique de renouveau, c'est la possibilité d'entretenir la relation régulièrement. Et ça nous est arrivé d'avoir des moments de passage difficile, on avait besoin plus que d'une pratique hebdomadaire. C'est, on avait trouvé un petit truc qui était vraiment chouette, c'est que ça nous arrivait de temps en temps, le soir avant de se coucher, de nous un peu prendre le chou pour partager toujours le côté potager. Et on se disait, juste avant de s'endormir, on se donne trois qualités ou trois choses qu'on a fait pendant la journée, qu'on a appréciées. Et puis après, on ne parle plus. Et donc, c'est aussi une manière, pour moi, de réinventer le renouveau. Tiens, on observe que le renouveau a certaines qualités. Et si jamais on se l'approprie, enfin, nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre couple, on peut lui donner différentes formes, on peut jouer avec, on peut se l'approprier et en faire quelque chose qui n'est plus formel. Et de temps en temps, il peut être formel. Quand on le fait plus pendant un mois, peut-être qu'on doit remettre quelque chose de formel. Mais c'est vraiment d'en faire quelque chose de personnel, en fait. Voilà. Et le réinventer pour chacun, je crois. Voilà. Peut-être rajouter un élément, mais enfin, je crois que nous en sommes tous bien conscients. Les fleurs fraîches, c'est génial. Les fleurs en plastique, c'est cata. Et c'est pire. Et donc, là, plutôt dans le cadre de la gestion de crise, la crise, quand il y a eu, comme tu dis, il y a toujours bien un moment donné dans la relation où ça coince un peu. Et donc, moi, mon expérience, ça a été que, comme disait la sœur ce matin, il faut parfois laisser le temps, mais il faut qu'il y ait du temps qui passe pour que le renouveau soit fait vraiment avec authenticité et que les fleurs soient des vraies fleurs et pas des fleurs en plastique, parce que sinon ça fait exactement l'effet inverse. Et donc, pour moi, forcer dans cette pratique-là, c'est juste cata, quoi. C'est juste cata. Et je fais lien avec quelque chose que Auréla disait. Pour moi, ce que les pratiques du village m'amènent à faire, c'est vraiment à ouvrir mon cœur, en fait. Et je crois que les fleurs, elles sortent du cœur. Voilà. Elles sortent d'ailleurs. C'est pas génial. Alors, ce que nous voulons vous proposer maintenant, c'est de visualiser ce que pourrait être, ce qu'est l'arrosage des fleurs et éventuellement l'expression d'un regret, s'il y a lieu. Et donc, qu'il y ait des volontaires pour venir nous montrer une pratique du renouveau. Donc, dans les deux premières... tout au plus, quoi, dans les deux premières phases, quoi. Donc, qui serait OK de venir avec... un enfant, un ami, un époux, une amie, devenir apparent, devenir... Oui, avec. Ben, quelqu'un que tu connais, je crois. Ben, enfin, il me semble. Je... Enfin... Oui. Oui, on peut peut-être commencer par les deux personnes qui seraient, qui veulent bien jouer le jeu. Pour montrer en fait réellement ce que c'est, que ça puisse faire écho chez vous. Et puis si une autre paire. Pardon, le micro. Donc ici, on a deux volontaires, donc comme ça, vous voyez un peu concrètement ce que c'est. Et si vous voulez profiter de cette occasion pour dire tout le bien que vous pensez de la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, donc c'est l'occasion, quoi. Voilà. Et comme ça, ça bénéficiera à tout le monde en même temps. Alors Laurent, moi je me souviens du premier jour où je suis arrivé à la Sangha et où quelqu'un m'a vraiment accueilli comme s'il me connaissait, c'était toi. C'était plus qu'un bonjour, c'était « Oh, tu es là !» Et on ne s'était jamais vu. Et ça m'a beaucoup touché et ça me touche chaque fois que je te vois le faire. Et de voir que tu as ce bel accueil qui est vraiment... tu es là. C'est vraiment chaque fois comme un bonheur pour toi de revoir quelqu'un, mais aussi que quelqu'un de nouveau arrive. Et je vois tout le soin que tu prends et toute cette joie que tu as et que tu partages avec la personne qui arrive. Et en tout cas, je me souviens de ce moment-là. Et pour moi, c'est un moment très, très important. Parce que ça, c'est comme si je me suis senti dans une famille tout de suite, avec en me disant bah alors ils sont tous comme ça. et donc d'avoir eu, je pense, ce rapport de ma part, ça a ouvert le rapport aux autres. S'ils étaient tous comme ça, même s'ils avaient l'air un peu plus timides ou quoi, il y avait ça qui était là, qui était présent. Donc vraiment, je t'en remercie énormément. Autre chose aussi, c'est j'aime beaucoup dans les partages, mais aussi quand tu facilites une méditation, l'enfant qui est présent et cette sagacité, petite révolte, mais c'est pas de la révolte, c'est l'enfant en fait qui joue en fait. Voilà, c'est cet aspect de vie dans le jeu qui est présente et qui, par rapport à des pratiques qui pourraient être très formelles et peut-être dans ce cas-là, en tout cas pour moi, enfermante, cadrante, froide, sérieuse, voilà. Tu es toujours vivant là et tu apportes toujours un petit camion à côté du Bouddha, une lecture de taille, mais hop, juste un petit peu vivifiante, Enfin, il y a plein de moments comme ça où, dans les partages, quand tu nous partages que tu as failli pas venir parce que peut-être tu avais envie d'aller au cinéma, voilà, tout ça. J'aime beaucoup toute cette partie parce que elle, bah oui, je l'ai même, hein. et donc je me dis, ah oui, mon enfant peut aussi vivre, et donc c'est très très vivifiant. Et puis je voudrais encore aussi te remercier pour ce long voyage en voiture vers Aviot cet été. Où là aussi, tu avais plus qu'une écoute profonde, tu avais un questionnement profond. Tu avais une écoute profonde. Et j'étais à côté de toi, d'ailleurs, je me souviens ce jour-là, tu m'as dit, si tu veux, je conduis la voiture. Et je t'ai dit, c'est incroyable, je n'ai même pas eu besoin de te le demander. Il y avait ça, et puis dans la voiture, cette écoute profonde, mais où tu étais aussi... tu me posais plein de questions sur ma vie, sur qui j'étais, ce que je faisais, et tu suivais le fil de ce que je disais. Ce n'était pas ton fil, c'était le mien, je pense. Et par moments, je me disais... Je n'ai pas vraiment envie de répondre à l'intérieur. Et puis j'ai toujours répondu parce qu'il y avait une si belle écoute profonde et pas du tout une curiosité. Et je voudrais t'en remercier parce que ce moment a fait basculer beaucoup de choses pour moi. Et par exemple, de passer tout ce bel été à Aviot, je ne l'aurais pas fait sans ce moment en voiture qui a été... Voilà, ça, c'est les choses qui viennent. Il y en a sûrement encore plein d'autres. Oui, te voir avec tes enfants. C'est... Voilà, plein. Et une dernière aussi, je pense que je voudrais. Tu ne pousses pas du tout. Je pense que tu ne te pousses pas du tout. Mais tu as une présence dans la sangha pour que des choses émergent. Se mettent en place. Et tu as une présence à la sangha et à chacun, en tout cas, de ce que je vais appeler aujourd'hui ce conseil de soutien de sangha, en tout cas, et à plus large, mais dans ce conseil, et qui, en tout cas pour moi, est comme un sol, presque un sol qui fait comme... la métaphore que j'aurais, c'est... quand on va au supermarché, je m'excuse, mais il y a un truc qui... Le tapis, là, il va très doux, il peut aller très vite ou très doucement. Bah, tu as toujours le petit tapis qui avance un tout petit peu. Et par moment, je dis, oula, j'ai... Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui... Oula, j'ai été trop fort. Et avec une belle... présence, mais aussi écoute des autres. Et donc, le tapis, tu le règles avec ce qui se passe aussi. Donc voilà, je te vois faire et je trouve ça magnifique. Voilà. Et c'est moi qui continue. Hein. Non mais c'est ça. Hein. Une chose que j'aurais par rapport à... en regret par rapport à moi-même, c'est en tout cas que dans cette voiture... Et à Aviot, nous avions passé... Dans cette voiture, tu m'as parlé... Non, c'était à Aviot. On a tous les deux fait un petit bricolage autour d'un cadre. Enfin, on a encadré. Et tu m'as dit, j'en ai à la maison et j'aimerais le faire. Et je t'ai jamais redit... je t'ai dit ce jour-là, oui, je peux venir. Mais je t'ai jamais redit... voilà, je peux venir. Vite, il n'y a pas besoin de me... Voilà, je suis libre pour venir faire ce travail de ces cadres à la maison que tu voudrais. Et c'est un regret parce que je pense que la proposition que tu me faisais, c'est aussi de passer un moment ensemble dans chez toi, dans ta famille, et de faire ça ensemble. Et je n'ai pas pris la perche comme ça, ou en tout cas, je n'ai pas dit que ça me ferait plaisir de le faire. Voilà. pensais que ce serait plus facile de passer en deuxième, mais après tout ce que tu viens de m'arroser, si. La belle manière dont tu viens d'arroser mes graines, waouh, on veut dire merci. Ouais, j'en suis vraiment ému. Je profite un petit peu. Les graines les fleurs que je vois chez toi et que j'ai envie d'arroser, c'est d'abord premièrement ta pleine présence. Je trouve que quand tu arrives, je te vois vraiment là en fait. Donc quand je t'accueille pour la première fois et je te dis ah, je te vois, c'est que tu es vraiment là en fait. Je trouve que il y a quelque chose de très vivant en toi. J'aime te rencontrer, parce que quand il y a un contact, il y a ce côté très vivant. Tu manifestes ta joie. J'aime beaucoup pour moi, une belle manifestation de ta joie, c'est ton rire. Tu as un vrai rire en fait, un rire plein. Une chose que j'aimerais bien aussi, que j'ai appris à connaître justement dans nos rencontres du conseil de soutien, c'est ta clarté en fait. Ta clarté et ta capacité à faire du discernement et à te créer un cadre qui est sécurisant, je crois, pour notre sangha. À certains moments, parce que moi j'ai tendance à être un peu flou, un peu peut-être espiègle et pas toujours aller à l'essentiel. Et je peux me perdre à certains moments dans le fait de vouloir jouer et de sortir de la forme. Et ça peut être bien. Mais à certains moments, on a besoin aussi de cadre. Quand on doit prendre une décision, à certains moments, moi ça me fait peur de devoir prendre une décision. J'ai peur d'imposer. Et toi, tu as cette manière, en même temps, avec une forme de simplicité, mais de fermeté, d'assise, de base bien, bien ancrée, de pouvoir amener tout à coup tout le groupe à prendre une décision ensemble. Et voilà, ça c'est une qualité que j'admire chez toi. Et aussi, ce moment qu'on a partagé en voiture, pour moi, c'était un très beau moment où je me rends compte que j'ai peut-être été un peu intrusif, et ça fera partie de mes regrets alors. Mais j'ai trouvé que tu avais beaucoup de capacité à être très sincère et authentique dans ton partage et aussi à exposer tes vulnérabilités. Voilà, pour moi c'est une qualité que j'apprécie dans la mesure où ça crée de la confiance en fait. Et ça crée du lien pour moi. Alors, un des regrets, parmi les regrets peut-être que j'exposerai, alors peut-être que de temps en temps je suis un peu intrusif si jamais je gratte des questions. Et c'est marrant que tu parles de cette histoire de cadre, parce que moi j'allais aussi exprimer un regret, c'est que moi je sens beaucoup d'amitié pour toi, et j'avais l'impression que j'avais pas fait assez de démarches pour pouvoir t'inviter, soit à la maison, ou de créer aussi un lien en dehors de notre sangha. Et Peut-être que quand tout le monde ne nous regardera pas, je t'inviterai à venir. Manger à la maison. En toute intimité. Ok. Et voilà, je voudrais peut-être te proposer la méditation de l'étreinte, si jamais tu veux bien accepter. Voilà, donc merci à vous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme ça génère de la joie d'assister à ça, à tout cet amour, cette ouverture. Enfin, vraiment, merci, qu'est-ce que c'est bon. Et donc, simplement pour juste préciser que la méditation de l'étreinte, donc Thaï raconte dans un de ses livres que voilà, c'est pas dans la culture asiatique normalement de s'enlacer, encore moins avec des monastiques. mais pourtant, comme c'est important parfois aussi, voilà, il y a une personne qui lui proposait, voilà, est-ce que je peux faire un hug, quoi, est-ce que je peux, voilà, pour exprimer sa gratitude. Voilà, on disait tout à l'heure que le renouveau, le nouveau départ, ça aussi parfois s'exprimer par un geste. Parfois, des personnes, elles ont plus de mal aussi avec les mots. Et donc, c'est vraiment aussi, tiens, est-ce que je peux pas aussi, t'as essayé de dire, est-ce que je peux pas aussi accueillir, voilà, ça. Et donc, et d'en faire une pratique avec justement prendre 3 respirations ensemble en étant enlacé, en reconnaissant la merveille que l'autre soit présent, vivant, et qu'on soit ensemble pour partager ce moment. On fait de la coordination live, là, hein, comme vous voyez. Donc, non, ce n'est pas de l'improvisation, c'est juste accueillir ce qui est, voilà, ce qui vient. Et donc, ce qui vient, là, en liant ce que Anne vient nous raconter avec ce que la sœur nous a dit, au fait de, enfin, à propos d'être doux et tendre et bienveillant vis-à-vis de soi-même. Et nous, ce qu'on a envie de vous proposer, c'est de respirer au son de la cloche en étant tendre et doux avec vous-même. Donc imaginez que vous faites une étreinte vous-même avec vous-même, comme vous venez de le voir, et la cloche va nous accompagner. Ça vous va ?